بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et gloire à lui dans l'au-delà, c'est lui le sage, celui qui est parfaitement informé de toutes choses. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Il est le miséricordieux, le pardonneur. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Ceux qui ne croient pas disent: nous ne verrons pas venir l'heure. Répond: par mon Seigneur, elle vous surprendra à coup sûr. Mon Seigneur est celui qui connaît l'invisible. Et rien dans les cieux comme sur la terre ne lui échappe. Cette chose fut-elle du poids d'un atome ou d'un poids plus grand ou moindre. Et il n'est rien qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Cela afin qu'il récompense ceux qui croient et font le bien. Pour eux, il y aura un pardon et un don généreux. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Mais ceux qui s'efforcent de réfuter nos signes et qui nous défient recevront un douloureux châtiment. Ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qui t'est révélé de ton Seigneur est la vérité même qui guide vers la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Ceux qui ne croient pas disent: voulez-vous qu'on vous montre un homme qui vous prédira qu'après avoir été totalement réduit en poussière, vous serez créé à nouveau? Invente-t-il un mensonge qu'il impute à Dieu? Ou bien est-il fou? Non. Mais c'est plutôt ceux qui ne croient pas en l'au-delà qui sont voués au supplice et à l'égarement sans fin. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Ne voit-il donc pas ce qu'il y a comme ciel et comme terre, devant et derrière eux? Si nous voulions, nous entr'ouvririons la terre afin qu'elle les engloutisse, ou ferions en sorte que des morceaux entiers du ciel tombent sur eux. Certes, il y a en cela un signe pour tout serviteur qui se tourne repentant vers Dieu. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Nous avons certes accordé à David une grâce de notre part, disant « Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges de Dieu. » Et pour lui, nous avons rendu le fer malléable, en lui disant « Fabrique de longues cottes de mailles et mesure bien les mailles, et faites-le bien, car j'observe attentivement ce que vous faites. » ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يا سلومون, nous avons soumis le vent qui parcourait le matin une distance équivalent à un mois de marche, et qui refaisait le soir le même parcours en sens inverse. Et pour lui, nous avons fait jaillir la fontaine de cuivre, et certains djinns travaillaient sous ses ordres, par notre permission. Quiconque d'entre eux cependant se soustrayait à nos ordres, nous lui faisions goûter à une partie de châtiment de la braise ardente. Les djinns exécutaient pour lui tout ce qu'il voulait, des sanctuaires, des statues, des plateaux aussi grands que des bassins et des marmites énormes, bien ancrées dans le sol. Soyez reconnaissants, ô membres de la famille de David, il y a si peu de mes serviteurs qui me sont reconnaissants. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ. Puis, quand nous décrétâmes sa mort, les djinns ne s'en rendirent pas compte, mais les termites rongèrent peu à peu le bâton sur lequel ils s'appuyaient. Alors il s'affaissa, et c'est à ce moment-là que les djinns comprirent que s'ils avaient vraiment eu connaissance de l'invisible, ils ne seraient pas restés plus longtemps dans le supplice humiliant de la servitude. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Il y avait assurément un signe pour la tribu de Saba dans leur habitat. Deux jardins s'étendant, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-lui reconnaissant de votre bonne contrée et d'un seigneur indulgent. Mais ils se montrèrent rebelles, alors nous déchaînâmes contre eux un déluge provenant de 10 grompus et transformâmes ainsi leurs 2 jardins en 2 étendues, n'offrant plus que des fruits amers, des tamaris et quelques jujubiers. Ainsi les avons-nous rétribués pour leur ingratitude. Nous arrive-t-il jamais de punir autre que les ingrats ? فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Entre le pays de Saba et les cités que nous avions bénies, nous avions établi d'autres cités, faciles à repérer, et les avions réparties de telle sorte que la distance entre elles correspondait aux étapes du trajet des voyageurs. Voyager entre elles de nuit comme de jour, en toute sécurité. Ils dirent, « Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. » Ils se firent ainsi du tort à eux-mêmes. Nous fîmes donc d'eux des sujets de légende et les dispersâmes totalement, de tous côtés. Il y a en cela des signes pour tout homme de patience et de gratitude. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Et les conjectures de Satan à leur sujet se sont avérées, car ils l'ont bel et bien suivi, à l'exception d'un groupe parmi les croyants. Ils n'avaient pourtant aucun pouvoir sur eux, si ce n'est que nous voulions distinguer ceux qui avaient foi en l'au-delà de ceux qui étaient dans le doute à ce sujet. Et ton Seigneur veille sur toutes choses. قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق Dis, invoquez donc ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de Dieu. Ils ne possèdent même pas l'équivalent du poing d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais pris aucune part dans leur création, et Dieu n'a aucun auxiliaire parmi eux. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur de qui il la permet. Lorsque la terreur se sera éloignée de leur cœur, ils demanderont « Qu'a dit votre Seigneur ?» Il leur sera répondu « La vérité, et c'est lui le sublime, le grand. » قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Dis, qui donc vous envoie votre subsistance du ciel et de la terre ? Dis, c'est Dieu. De nous et de vous, les uns suivent certes la bonne voie, tandis que les autres sont dans un égarement manifeste. Dis, vous ne serez pas interrogés sur nos crimes que nous aurons commis, et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites. Dis, notre Seigneur nous rassemblera tous, puis il jugera entre nous en toute vérité, car c'est lui le juge souverain, l'omniscient. Dis, montrez-moi ceux que vous lui avez donnés comme associés. Mais il n'en a point. Il est Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون Et nous ne t'avons envoyé à l'humanité, ô Mohammed, que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et ils disent, quand donc se réalisera cette promesse, si vous êtes véridique ? Réponds, le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez, ni retarder, ni avancer, ne serait-ce que d'une heure. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين Et ceux qui ne croient pas disent « Nous ne croyons ni en ce Coran, ni en ce qui l'a précédé. Mais si tu pouvais voir quand les injustes comparaîtront devant leur Seigneur, ils se renverront mutuellement le blâme. Et ceux qui auront été méprisés sur terre diront à ceux qui auront été arrogants « Si ce n'avait été de vous, nous aurions certainement été croyants. » قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Et ceux qui auront été arrogants leur répondront Est-ce nous qui vous avons fait dévier du droit chemin après qu'on voulut prêcher ? Non, vous étiez plutôt des criminels. Alors ceux qui auront été méprisés leur rétorqueront « Ce sont vos manigances auxquelles vous vous prêtiez jour et nuit qui nous ont perdus. Vous nous incitiez à ne point croire en Dieu et à lui donner des égaux. Et lorsqu'ils verront le châtiment, ils seront pris de remords. Nous installerons des chaînes autour du cou des mécréants. Seraient-ils rétribués autrement qu'en fonction de leurs œuvres ? وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous n'avons jamais envoyé un messager dans une cité pour en avertir les gens, sans que ses riches habitants n'aient dit « Nous ne croyons pas en ce message que vous nous apportez ». Ajoutant « Nous avons davantage de richesses et d'enfants que vous, et nous ne serons pas châtiés ». Dit « Mon Seigneur augmente ou restreint la subsistance de qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas ». وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront de nous. Il n'y a que ceux qui croient et qui font le bien qui se rapprochent de nous. Ceux-là recevront une double récompense pour leurs œuvres. Ils demeureront, en toute sécurité, aux étages supérieurs du paradis. Quant à ceux qui s'efforcent de réfuter nos signes et qui nous défient, ils seront amenés au châtiment. إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Dit, mon Seigneur augmente ou restreint la subsistance de qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, Dieu vous la remplace. Et c'est lui le meilleur pour subvenir aux besoins de sa création. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Le jour où il les rassemblera tous, il demandera aux anges : Est-ce que ces gens-là vous adoraient ? Les anges répondront : Gloire à toi, toi seul est notre protecteur, pas eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là, Il ne vous sera plus possible de vous secourir les uns les autres, ni de vous causer mutuellement du tort. Et nous dirons aux injustes, goûtez au châtiment du feu que vous aviez l'habitude de nier. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Quand nos signes leur sont récités en termes clairs, ils disent « Voilà un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos ancêtres. » Et ils disent encore « Ce Coran n'est qu'un mensonge inventé. » Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité lorsqu'elle leur parvient. C'est tout simplement de la magie. Nous ne leur avons pas donné d'écriture qu'ils étudient, pas plus que nous leur avons envoyé d'autres messagers avant toi pour les avertir. D'autres peuples avant eux ont également nié la vérité, peuple à qui nous avions donné 10 fois plus de bien qu'aux Mécois. Et pourtant, lorsqu'ils rejetèrent mes messagers, combien terrible fut ma réprobation. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Dis-leur, je ne vous exhorte qu'à une chose, que pour Dieu vous vous leviez, seul ou par deux, et que vous réfléchissiez. Votre compagnon n'est nullement possédé. Il n'est là que pour vous mettre en garde contre un terrible châtiment. Dis, je ne vous demande aucun salaire, je ne fais cela que dans votre intérêt. Ma rétribution n'incombe qu'à Dieu, et il est témoin de toute chose. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Dis, mon Seigneur lance la vérité, et il connaît parfaitement les choses cachées. Dis, la vérité est venue, et le mensonge disparaîtra pour ne jamais revenir. Dis, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mon propre détriment, et si je suis bien guidé, c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé. Certes, il entend tout. Et il est tout proche. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Si tu les voyais lorsqu'ils seront terrifiés et qu'ils ne trouveront aucun moyen de s'échapper, ils seront saisis de très près. Ils diront alors, nous y croyons maintenant, mais comment pourront-ils atteindre la foi d'une position aussi éloignée, après l'avoir rejetée auparavant? Ils émettent des conjonctures au sujet de l'invisible, et ce d'une position aussi éloignée. Une barrière infranchissable les séparera de l'objet de leur désir, comme cela fut fait jadis, avec leurs semblables qui se trouvaient comme eux, dans un doute profond.